Bon samedi, à l'écoute de France Culture, nous retrouvons Vincent Charpentier. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Figure singulière de l'anthropologie sociale, Alain Testard a puisé dans la profondeur de la préhistoire pour mieux la mettre en perspective. Spécialiste des aborigènes d'Australie, mais à la croisée de plusieurs mondes, celui-ci nous laisse aujourd'hui une œuvre très originale, buissonnante, qui porte tout à la fois sur la préhistoire, son art, l'archéologie orientale, mais aussi la dette, la dot, le don et les dieux, la monnaie, la servitude volontaire et l'esclavage, les femmes et la chasse, les religions et les déesses mères, la classification des sociétés et le communisme primitif. Peu connu du public, celui-ci a fort peu évoqué sa recherche sur les ondes de France Culture. Trois uniques reprises, une dans Culture Monde de Florian Delorme, deux dans la nôtre, dont l'ultime, testamentaire, à la veille de sa disparition. Pour cerner l'esprit et la recherche tout à la fois magistrale et indépendante, mais aussi parce qu'Alain Testard a stimulé le cheminement intellectuel de nombreux archéologues, le magazine d'archéologie de France Culture accueille ce soir en grand témoin Geoffroy de Saulieu. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Chargé de recherche à l'IRD et œuvrant sur deux continents, l'Amérique et l'Afrique, vous vous dites archéologue tropicaliste parce que vous avez bien connu Alain Testard, est au cœur de ce mouvement testartien. Je propose aux auditeurs de ponctuer notre propos des archives de France Culture et de l'INA. Geoffroy de Saulieu, 8 ans après sa disparition, la pensée d'Alain Testard suscite intérêt et débat chez les archéologues. Deux jours de colloques se tiendront d'ailleurs prochainement autour de son œuvre. Mais en tant qu'anthropologue social, Alain Testard a-t-il eu dès le début des années 1980 un écho chez les préhistoriens? 8 ans déjà. En fait, pour répondre à votre question, j'ai l'impression qu'après son livre de 1982, « Les chasseurs-cueilleurs ou l'origine des inégalités », il a été connu, il y a eu des recensions, il a été lu, mais ses idées ont mis du temps à percoler dans le milieu de l'archéologie. Et ça n'est que petit à petit qu'il s'est fait réellement comprendre. Tandis que les anthropologues l'ont plutôt considéré comme un peu à part, parce qu'il n'était pas à proprement parler ethnographe en tant que tel. Alors, ces dernières années, on constate une nette inflexion. On voit qu'il a été lu de manière approfondie par de nombreux chercheurs. On voit des étudiants se référer à son œuvre. Et l'on voit même son influence directe chez des jeunes blogueurs spécialisés dans la vulgarisation archéologique, comme par exemple la chaîne YouTube Passé Sauvage. Et ça fait vraiment plaisir. Geoffroy de Saulieu, écoutons Alain Testard évoquer tout à la fois son parcours et ses liens avec l'évolutionnisme social dans une archive de 5 minutes issue du Salon Noir de juin 2013. En un mot, je dirais l'évolutionnisme social, c'est la croyance que les sociétés suivent un certain nombre de lois et ne font pas n'importe quoi. Je pense que ça suffit parce que sans ça, tout le monde sait que les sociétés ont changé. Mais les anti-évolutionnistes disent qu'ils ont changé dans n'importe quel sens. Il y a des agriculteurs qui sont revenus chasseurs, des chasseurs, et ça va dans tous les sens. Bon, alors que si on est évolutionniste, mais je suis un petit peu le seul dans ce cas-là en anthropologie sociale, on pense qu'il y a des lois. C'est-à-dire qu'il y a quelques régressions, effectivement, mais il y a des lois générales. En tout cas, vous êtes au sein de la recherche anthropologique, une particularité, un anthropologue puisant dans l'archéologie. Pourquoi cette quête? Justement parce que l'archéologie offre des possibilités? Oh, pour une raison, je dirais très très simple, c'est que tout en étant évolutionniste, depuis que j'ai commencé à faire de l'anthropologie, j'étais très conscient des problèmes et même des apories de l'ancien évolutionnisme du 19e siècle, où on se contentait de regarder les sociétés de maintenant, de les mettre les uns à côté des autres, et puis de les ranger dans un certain ordre. Alors ça donnait les Inuits, évidemment les Inuits, les Esquimaux tout en bas parce qu'ils n'ont pas l'agriculture. Ça donnait les Aborigènes australiens parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont même pas l'arc, encore plus bas. Ça donnait les Incas plus haut évidemment, mais moins haut que nous parce qu'ils n'ont pas la charrue, etc. Alors, disons-le, c'est pas ça, penser à l'évolutionnisme, c'est pas ça, il faut penser à l'évolutionnisme dans l'histoire, et la seule discipline qui nous donne accès, effectivement, à l'histoire, c'est l'archéologie, qui nous donne les faits concrets, les faits directs. En tout cas, votre terrain au départ, votre terrain anthropologique était l'Australie, c'est bien ça? Tout à fait. Les Aborigènes australiens, j'ai publié quand même 3 livres sur eux. Un beau terrain, formidable. Un terrain très difficile à l'époque où moi j'arrive, puisque bon, la plupart des aborigènes sont dans des bidonvilles, etc. Un terrain très difficile. J'ai fait peu de terrain, je suis plutôt un anthropologue théorique. J'ai fait surtout un énorme bouquin très difficile sur la parenté australienne, et puis un autre sur l'initiation d'ailleurs. Alors, à la fin du 19e siècle, l'ethnologie est pleinement évolutionniste. Parallèlement, la préhistoire se développe. On connaît les fameuses découvertes du 19e siècle en préhistoire, notamment en France et dans la Somme. Curieusement, on assiste à un total divorce, puisque seuls ce sont les préhistoriens, les archéologues, qui puisent dans l'ethnologie pour, bien sûr, expliquer leurs lointaines découvertes. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Une sorte de divorce. C'est tout à fait ça. C'est un divorce très, très, très, très prononcé, très fort, surtout dans nos pays européens, en France et en Angleterre, où, comme je disais, il y a un rejet de la part des anthropologues total de toute pensée évolutionniste. Donc, on étudie une société qu'on a sous les yeux pour ce qu'elle est. On en fait le témoignage, on essaie de remonter 1 ou 2 siècles avant, mais on n'a pas de vision d'ensemble de l'histoire de l'humanité. Alors que les préhistoriens, je vais dire sans mépris, mais avec leur boudos, il faut bien qu'ils essayent leur caillou, surtout. J'ai leur caillou, leur biface et leur lame taillée, il faut bien qu'ils essayent de mettre un peu de chair autour. Donc les préhistoriens, ils vont chercher chez nous des modèles, des inspirations, des illustrations, alors que les anthropologues se désintéressent complètement de la préhistoire. Alain Testard, l'évolutionnisme a pris bien sûr de nombreux visages. Dans le néo-évolutionnisme des sociétés dont vous parlez, les sociétés sont classées selon leur degré de complexité. Cela voudrait-il dire justement qu'il y ait des sociétés qui seraient simples, tout simplement ? Alors, cette notion de simplicité et de complexité, c'est presque inscrit dans le langage de certaines sciences sociales. On dit les sociétés complexes pour nous. Alors évidemment, un ordinateur, c'est complexe. C'est plus complexe qu'un biface. Mais si vous regardez la parenté de ces sociétés dites simples, comme la parenté australienne, ce sont des systèmes d'une complexité incroyable, qui partagent en deux fois, qui repartagent, qui font que on peut épouser telle personne et pas telle personne de telle partie. Ce sont des sociétés qui classent de façon extrêmement compliquée en fonction du classement de papa, en fonction du classement de maman et en fonction aussi de l'éloignement, et qui permettent des épousailles entre telle ou telle personne et interdites aux autres. Ce qui fait que, par exemple, dans une tribu, dans un terme technique, on va dire à 8 sections, on a uniquement 1 section sur 8 dans laquelle on a le droit de se marier. Donc, et ce sont des parentés, ils sont tellement compliqués qu'on a fait des modèles mathématiques, moi aussi j'en ai fait. Donc ces sociétés, elles sont simples au niveau des techniques. Ça, ils utilisent de la colle pour fixer les pointes qui sont débitées à partir du silex ou de la chaille. Et puis, donc, elles sont simples au niveau technique, mais au niveau social, il y a une grande complexité. Un commentaire, Geoffroy de Saulieu, à cette belle archive. Effectivement, vous avez choisi un très bel extrait pour commencer cette émission, puisque c'est un extrait où il définit sa méthode, où il marque sa distance par rapport au néo-évolutionnisme américain qu'il n'appréciait pas. Et il nous explique en fait exactement comment il procède. C'est ça qui est intéressant. Sa méthode était qualitative. Il voulait expliquer les données massivement, mais il ne renonçait pas aux exceptions. Et il cherchait à mettre en évidence des lois sociologiques. Alors comment faisait-il ? Il commençait toujours par procéder par comparaison. Il aimait penser par contraste, comme il disait. Et cela s'associait à une érudition fabuleuse. Et il était toujours frappant de voir qu'il mettait sur un pied d'égalité la France d'Ancien Régime, la Grèce antique, les Indiens des plaines du XIXe siècle. Avec Alain Testard, finalement, tout le monde était égal devant l'anthropologie sociale. L'archéologie est affaire de vision, la préhistoire a souvent été segmentée en deux, les sociétés de prédation, les chasseurs, et celles de production, les agro-pasteurs. Il n'en est rien, nous dit Alain Testard, dans les chasseurs-cueilleurs ou l'origine des inégalités. Effectivement, il a voulu dépasser cette opposition entre prédateurs et producteurs. Parce qu'il s'était rendu compte qu'une grande partie des chasseurs-cueilleurs étaient sociologiquement très proches des agriculteurs de céréales. Alors pourquoi il dit ça ? Il dit ça parce que ces chasseurs-cueilleurs étaient sédentaires et stockeurs. Ils constituaient une partie importante de toutes ces populations qu'on classait avant indistinctement parmi les chasseurs-cueilleurs. Ces chasseurs-cueilleurs sédentaires-stockeurs vivent en village, ils connaissent des concentrations démographiques très importantes, ils gèrent des réserves alimentaires pour passer l'hiver, ils connaissent le concept de richesse, il y a des riches et des pauvres, et pourtant ce sont bien des chasseurs-cueilleurs. À vos yeux, quels seraient les meilleurs exemples pour ces sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires-stockeurs, quelles que soient d'ailleurs archéologiques ou anthropologiques ? Eh bien, en fait, certainement, c'est le Pacifique Nord qui est la région la plus intéressante. Parce que si l'on prend l'Amérique du Nord, sur la côte pacifique, on a au sud, en Californie, des sociétés qui stockent les glands dans des greniers et qui ont toute leur économie qui est fondée là-dessus. Et puis, quand on monte à partir à peu près de l'État de Washington aux États-Unis et puis jusqu'au sud de l'Alaska, on a une aire culturelle qu'on appelle la côte nord-ouest où on a des myriades de sociétés qui stockent des saumons deux fois par an, les fument et les stockent. Alors, c'est des sociétés qui sont fascinantes parce que leur art est extrêmement raffiné et en même temps, ils ont jusqu'à 20% d'esclaves. Donc c'est vraiment des sociétés qui n'ont rien à voir avec des sociétés de chasseurs-cueilleurs égalitaires. Et c'est souvent des sociétés de chasseurs maritimes, curieusement. Oui, dans cette région, oui, mais regardez en Californie, ce sont des stockeurs de glands. Et si l'on prend les nombreuses cultures archéologiques qui existent toujours dans ce Pacifique Nord, notamment le Jomon ou le néolithique coréen, on a des chasseurs-cueilleurs sédentaires qui stockent également des châtaignes et des glands, et qui en plus utilisent la céramique, exactement comme des agriculteurs. En fait, un néolithique non agraire, c'est à peu près ça la définition. Avec la fin du Pléistocène et le réchauffement de la planète, n'aurions-nous pas eu l'émergence de deux voies parallèles, d'un côté les agriculteurs, de l'autre les chasseurs-stockeurs? Alain Testard semblait le penser. Alors, il ne le pensait pas en réalité. Effectivement, Vincent, vous avez raison de souligner le fait que si l'on regarde ces deux phénomènes, le réchauffement climatique du début de l'Holocène et l'apparition de ces sociétés, ces deux phénomènes sont contemporains. Mais Alain Testard avait coutume de dire que si c'était lié au climat, ça aurait dû apparaître avant, c'est-à-dire dans les interglaciaires qu'il y a eu pendant l'époque glaciaire. Donc ces phases de redoux qui pouvaient durer plusieurs milliers d'années et où les sociétés préhistoriques n'ont pas fait le choix de développer l'agriculture ou les chasseurs-cueilleurs sédentaires-stockeurs. Alain Testard avait entrepris une classification des sociétés dans une archive de 2011. Je lui demandais s'il était possible de classer les premières sociétés de production, c'est-à-dire les néolithiques. Oh, ça, c'est très difficile. Comment classer les... Parce que bon, les critères que nous avons pour définir un type de société ou un autre ne sont pas immédiatement ni évidemment traduisible en termes d'archéologie. Alors, je vais prendre juste un exemple. Moi, j'ai une société, un type de société que j'appelle plutocratie ostentatoire, parce que c'est le pouvoir des riches qui, en même temps, est immédiatement le chef politique. C'est comme si, ici, si vous voulez, le plus grand chef d'entreprise devenait automatiquement le président de la République. C'est à peu près ce qui se passe dans plusieurs sociétés connues par les ethnographes, dans des régions d'ailleurs très différentes. Bon, comment voulez-vous trouver ça en archéologie ? Alors, moi, j'ai la faiblesse de penser, mais je cherche, et je suis pas sûr de trouver, que, en ce qui concerne le mégalithisme, par exemple, peut-être qu'on a un indice de preuve que c'était des sociétés très ostentatoires qui montraient à quel point les gens qui entreprenaient ces choses-là pouvaient être riches et puissants. Mais bon, c'est une grande question, elle est difficile. En tout cas, votre plutocratie ostentatoire, au début, les néolithiques, on a souvent parlé de sociétés égalitaires. C'est une chose à le balayer aussi, ça, maintenant, pour ces premières sociétés qui inventent donc, disons-le, l'agriculture, l'élevage, qui se sédentarisent. Je vais répondre par une boutade, si vous voulez bien. En ethnologie, on appelle société égalitaire des sociétés de Nouvelle-Guinée qui sont à Bingman. Bingman, c'est un homme important et il n'a pas une position héréditaire. On a dit que c'était des sociétés égalitaires. Or, moi, quand je vois les discours de certains Bingman auprès de très bons ethnologues qui ont fait des très bons travaux, le Bingman dit, moi, vous ne savez pas, je suis riche. Parce que il y a 100 personnes dans ma tribu qui me doivent des dettes. Parce qu'il y a 50 personnes, je leur ai permis le mariage, et donc ils doivent me rendre les filles en mariage, etc., etc. Personnellement, je n'y crois pas. Je ne vois pas d'exemple de société égalitaire. Surtout pas dans ces sociétés, je dirais, d'allure néolithique, disons, enfin, agricole. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Si les grands anthropologues ont cherché à expliquer la diversité des cultures, Alain Testard s'emploie tout simplement à classer les sociétés, mais sur quoi ? Eh bien, sur la richesse. C'est dans son livre de 2005, Éléments de classification des sociétés, que Alain Testard a proposé une typologie fondée sur l'existence de la richesse. Alors, c'est quoi d'abord la richesse ? La richesse, c'est pas forcément un objet qui est rare ou qui a demandé beaucoup de travail ou qui est de provenance lointaine. La richesse, c'est avant tout un objet qui sert à régler des problèmes sociaux. Et plus exactement, ça sert à se défaire d'une obligation sociale absolue. Alors, vous êtes meurtrier de votre voisin, vous devez payer réparation. Vous voulez vous marier, vous devez payer vos futurs beaux-parents. Vous voulez rentrer dans une confrérie, vous devez payer un droit d'entrée. Vous voyez que là, la richesse, c'est ce qui vous sert à vous faire... c'est ce qui sert à rentrer dans la société et à interagir avec elle. Alors, sur cette base, Alain Testard invente... il n'invente pas, il voit trois mondes. Un monde sans richesse et deux mondes avec richesse. Le monde 2, notamment, c'est un monde où la richesse sert à la vie sociale et où l'endettement, le crédit apparaissent pour la première fois. Alain Testard s'est aussi penché sur l'art préhistorique, celui du paléolithique de Chauvet à Lascaux. On l'écoute. En tant qu'anthropologue, je me dis, on a deux grandes catégories de chasseurs-cueilleurs. Et ceux de la préhistoire, la nôtre, enfin, ceux sur lesquels on a plus d'informations, c'est-à-dire de l'Europe occidentale, du paléolithique supérieur, je vais les mettre dans quelle catégorie ? Ou peut-être même dans une troisième catégorie. Bon. Or, ce qui m'a beaucoup frappé en étudiant les peintures pariétales, c'est que, bon, ce sont surtout des animaux, sont représentés indépendamment de tout milieu, et on a très peu d'interactions entre les animaux. À chaque fois qu'on a des interactions, c'est sujet à caution, mais la plupart du temps, on a des superpositions d'animaux à des échelles différentes, d'ailleurs, qui sont sans rapport. Sauf, c'est ça qui est important, quand ce sont des animaux de la même espèce. On a des cibles de mammouths, on a des bouquetins affrontés. Donc, je dis cet art paléolithique, il met en avant d'abord une classification des animaux. Le deuxième point sur les peintures pariétales, c'est que l'homme y figure, mais de façon, comme disait le roi Goran, de façon caricaturale. C'est des esquisses grossières, il est toujours mal fait, c'est sans commune mesure avec la beauté des bisons, des mammouths et autres espèces animales. Donc on pourrait dire qu'il n'est pas représenté pratiquement, d'ailleurs et c'est en très petit nombre. Alors je fais le raisonnement suivant, s'il s'agissait d'une vision du monde, comment est-il possible que l'on ne parle pas de l'homme ? Et ma réponse est de dire que parlant à travers les animaux, de façon indirecte, on parle des hommes. Et notre exemple, c'est la fontaine. Si je fais la cigale et les fourmis, en fait, il ne nous raconte pas les mœurs des animaux. Mais à travers cette métaphore, il nous parle des hommes. Et c'est, je pense, on a quelque chose d'analogue dans les grottes préhistoriques. Et c'est ce qui me fait conclure que j'ai bien l'impression que ce paléolithique se rattacherait à un type de société analogue à celui que l'on observe en Australie. Alors, parlons des grandes innovations. On sait que durant le paléolithique, durant une période de, on va dire, 20-30 000 ans, il y aura l'invention de l'aiguille à chat, de la barbelure, du fameux propulseur, qui est une invention absolument sublime, mais il y aura assez peu d'inventions. Il y aura aussi des sortes d'inventions virtuelles durant cette période. C'est-à-dire, pour vous, sans implication pratique, c'est bien ça? C'est ça, oui. J'ai appelé invention virtuelle une invention comme la roue par les peuples de Mexique. Ils font des jouets et ils n'ont jamais utilisé la roue dans les transports pour des raisons utilitaires. Alors j'appelle ça une invention virtuelle. Alors c'est ce qu'on a au paléolithique. On a quelques petites statuettes, dont les fameuses Vénus, hein, c'est la Vénus de Dolní Vestonice, qui est très très très très connue en Tchéquie, qui est une terre cuite. Hein. Et avec ça, ils ont fait quelques petits bouts de mammouth, quelques animaux et rien d'autre. Ils n'ont pas fait de poterie. Ils n'ont pas fait de poterie. Ils n'ont pas fait de poterie. Ils n'ont pas fait de poterie. Alors que quand la poterie va arriver plus tard, on va faire évidemment des pots à n'en plus finir pour faire cuire au feu. C'est ça qui est pratique. C'est plus pratique que les pots en pot qui se mettent pas au feu. L'intérêt du pot en terre, c'est que vous la mettez directement au feu. Bon. Alors, les hommes du paléolithique supérieur, ils sont un peu comme les aborigènes australiens. Ils n'ont pas l'air de s'intéresser beaucoup aux applications pratiques. Ils connaissent des techniques, mais ils ne les utilisent pas de façon pratique. Par exemple, les aborigènes australiens savent comment, en mettant sur un feu, on dessique et on déshydrate, et donc on peut le conserver. Ils le font pour leurs morts, dans une grande partie de l'Australie, puisqu'ils trimballent leurs morts montés sur un échafaud pendant plusieurs mois. Et ils le dessiquent pour ça. Mais ils font pas pour le poisson. Geoffroy de Saulieu, d'autres chercheurs arriveraient-ils par d'autres voies, d'autres disciplines, au même résultat sur l'art préhistorique? Alors sur l'art préhistorique, oui, parce que Alain Testard pensait que cet art des sanctuaires, des grottes préhistoriques, exprimait et rejouait la création du monde. Et il se trouve qu'un archéologue qui s'appelle Jean-Loïc Lekelec utilise avec des méthodes complètement différentes, hein, la phylogénétique et l'aréologie, c'est-à-dire l'étude de la répartition des mythes dans le monde, il se rend compte qu'un des mythes qui probablement existait au paléolithique, c'était la création du monde par la sortie de grottes. La naissance des religions et par là même des dieux émerge bien sûr avec le néolithique. Le néolithique a été religieux, mais comment les archéologues peuvent-ils le percevoir? Alain Testard nous y répond. Alors, il était religieux, effectivement, très vraisemblablement, puisque toutes les sociétés, bon, sauf les très récentes, ont une forme de religion. Comment on peut appréhender ce phénomène en archéologie? De façon évidemment très indirecte. Alors là, le thème que j'avais pris, c'était ces fameuses petites statuettes que l'on trouve en abondance parmi ces premières sociétés agricoles. Alors, on a monté ce que j'appellerais un roman autour de ça, en disant que c'était les femmes qui avaient inventé l'agriculture, dont normalement, évidemment, les femmes avaient pris le pouvoir, parce que c'était les femmes qui y travaillaient, et on avait vénéré la déesse mère. Le problème, et c'est le problème que j'essaye de développer dans le premier chapitre, c'est que on a très souvent des représentations de femmes à l'enfant, de femmes avec une poitrine opulente, de femmes qui montrent d'ailleurs sa sexualité. On l'a très souvent dans des sociétés africaines ou dans des sociétés océaniennes. Il n'y a pas du tout de culte de la femme dans ces sociétés-là. Alors, dernier point, c'est que ces statuettes, c'est vrai, c'est troublant, on les voit dans ces premières sociétés néolithiques. Et on les voit autant dans des premières sociétés qui font de la poterie comme au Pérou, ou au Japon, ou ailleurs. Peut-être pas tout le temps, mais on le voit assez souvent. Mais ce sont des toutes petites statuettes. elle n'évoque pas du tout l'idée de culte, ni même l'idée de déesse. Alors c'est ça qui a été monté en épingle. La déesse mère, la déesse mère, la déesse mère. Mais ces gens-là, très probablement, faisaient quelque chose autour de la fécondité. Mais comme on fait des petites magies à l'heure actuelle et qu'on en fait encore, et évidemment, la femme était importante, c'est elle qui porte l'enfant. Qui a eu cette idée pour la première fois? Si on fait un peu je crois que dans l'histoire des sciences, l'idée remonte à 1861. C'est Barofen qui publie Das Mutterrecht, ce qu'on traduit par le matriarcat, très exactement le droit des femmes. Il avait une approche très intéressante qui ne devait rien à l'archéologie d'ailleurs. C'était uniquement à partir de la mythologie grecque où il repérait au sein de la mythologie grecque des éléments de droit ou de légitimité qui auraient été par les femmes. Alors on sait par ailleurs que quelque part en Anatolie, je pense que ce sont les Lydiens, d'après les tombes, le nom se transmettait par les femmes. Donc on a une attestation de transmission matrilinéaire dans ce coin-là. Mais Barofen l'a généralisé et après il y a eu la thèse du matriarcat primordial. Depuis 8 ans, des livres paraissent, des livres donc bien sûr d'Alain Testa. Geoffroy de Beaulieu, 2 livres sont à paraître ? Oui, absolument. Il y a d'abord une réédition d'un essai d'épistémologie pour les sciences sociales aux éditions du CNRS. Et puis, il y en a un inédit qui s'appelle « Principes de sociologie générale, volume 1, rapports sociaux fondamentaux et formes de dépendance ». Je vous souhaite bonne lecture, Vincent. Alors moi, j'ai récemment lu, puisqu'il nous reste encore quelques secondes, j'ai récemment lu, chose que je n'avais pas lu, hein, « L'Amazone et la cuisinière, anthropologie de la division sexuelle du travail ». Absolument formidable, formidable pour le préhistorien, mais aussi pour tout le monde. Absolument. C'est vraiment un livre à lire. Il va assez loin et vraiment ça permet d'ouvrir les horizons et de penser les choses différemment. Et de penser la femme. Ah oui. Notamment. Geoffroy de Beaulieu, Geoffroy de Saulieu, un très très grand merci. Donc, je signale aussi l'existence de l'association Alain Testard. Carbone 14. Été réalisé par Charles Le Gargasson, à la technique bien entendu Jean Frédérics et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous partirons pour d'autres lieux et d'autres temps.